laissez-moi, faut que je fasse le vide. Tu m'as déçu, je sais plus quoi dire, oh là là là. Je les vois tous se monter dessus, je vois que ça empire, oh là là là. Même quand leurs vies se font des poussettes, je les vois venir, oh là là là. Oh là là là là là, oh là là là. Oh là là là là là, oh là là là. Je suis tout seul, je perds le nord, j'ai perdu la boussole. Va que ça manque de douceur, mais c'est la musique qui me console. Et j'avance, j'essaye, ils veulent me couper les ailes, je m'endors aussi. Déçu, je sais plus quoi dire, oh là là là. Je les vois tous se monter dessus, je vois que ça empire, oh là là là. Ils font leur vie, ils font des poussettes, je les vois venir, oh là là là. Oh là là là là là, oh là là là. Oh là là là là là, oh là là là. Tu m'as critiqué toute ta vie, quand tu me croises, tu veux la photo. J'ai arrêté de prendre des 50, maintenant je coupe sur la photo. Tranquillement, je pilote. Je vois que ça empire, oh là là là. Même quand leurs vies se font des poussettes, je les vois venir, oh là là.